Je te chante cet air de rupture, car je te quitte aujourd'hui. Tu peux faire semblant de pleurer, tu n'auras plus accès à la piscine. Tu peux me frapper, mettre du sel dans mon café, du moment que tu te tais. Déteste les refrains qui se répètent et qui entêtent. À l'infini, ils restent en tête. Ils me harcèlent, m'embêtent. Et à la fin, je les déteste. Je les déteste. Et je déteste les refrains qui se répète et qui entête. À l'infini, il reste en tête. Il me harcèle, m'embête. Et à la fin, je les déteste. Je les déteste. Et je déteste les refrains qui se répètent et qui entête. À l'infini, il reste en tête. Il me harcèle, m'embête. Et je déteste les refrains qui se répètent et qui entêtent. À l'infini, il reste en tête.